on va parler de hockey. Tony Girard, le père de Samuel Girard, est allé pour la première fois au Colorado voir Samuel samedi, alors que les Flames de Calgary affrontaient l'Avalanche du Colorado au Colorado. Les gens ont pu voir ça d'ailleurs à CBC. Question de savoir un peu comment il a fait son voyage. On lui parle. Salut Tony! Ça va bien. Tony, j'ai vu les photos sur les médias sociaux. Tout un changement de température. Tu dois être un petit peu déçu de revenir dans la neige, dans le slot et ainsi de suite, après avoir vu Denver, il y avait des belles photos. Le look là-bas, puis la chaleur. On a fait un monarché à 3h cette nuit. Je dois vivre le Québec, hein, parce que là-bas, là, c'est 23-24 degrés, là, c'est du soleil à plein ciel. Puis, comme Samuel a dit, puis, au Colorado, il fait 325 jours de soleil par année. Fait que, OK. Pourtant, c'est pas si chaud que ça. Pourtant, il me semble, en tout cas, que c'est. Parce que moi, j'ai vu des matchs, souvent les Broncos se jouer dans la neige. Tu sais, c'est pas la Californie, c'est pas l'Arizona, puis c'est pas les autres, pourtant, là. Non, c'est ça, mais vois-tu, moi, j'ai fait un peu de mètre, tout ça, pour m'informer, tout ça. Puis, c'est la plus fort que tu peux le faire, c'est peut-être moins 2, moins 5. Okay. Ça rechauffe excessivement vite, là, mettons, vers 11h midi, là, le canard soleil sort. Vu que Colorado, c'est une des plus hautes villes, aux États-Unis, là, en fait, de hauteur d'altitude. Le soleil il réchauffe terriblement vite là, tout le monde. C'est ça que je te dis, c'est vraiment beau là-bas. Comment t'as trouvé ton voyage? C'est sûr, c'était un voyage court. On a monté là 2 jours et demi. C'était un voyage très court parce qu'on voulait savoir vraiment comme Samuel était installé. Okay. Qui était bien installé tout ça. Puis on a visité un petit peu le Pepsi Center où est-ce que Sam joue. Puis là-bas, il est dans un appartement, il est très bien installé. Dans l'appartement, parce que il peut s'entraîner. Il y a une piscine, il y a un spa, il y a des salles de massage, il y a une salle vidéo. Il y a vraiment tout ce qu'ils font pour lui, là, à son appartement, là, pour être bien. Écoute, c'est toute sa petite blonde qui s'est occupée de qui a changé des adresses, tout ça, puis la petite fille a été vraiment bonne, là, puis elle est bien contente aussi de rester là avec Sam, là, pour bien pour eux autres. C'est-tu une fille d'une Québécoise, Mme Samuel? Oui, c'est une petite fille de Shawinigan que Sam a connue dans le junior. Okay. Tout ce temps-là, ils sont ensemble, puis vois-tu, elle est parfaitement bilingue. Fait que suite là, c'est vraiment bien adapté à là-bas. Ils sont refait des amis là-bas. Fait que tout va bien pour eux autres. J'y ai parlé la semaine passée, Samuel. Finalement, au début, tu sais, les Prédateurs de Nashville, j'étais un petit peu déçu parce que Samuel était vraiment d'une organisation extraordinaire. Je trouvais pour le développement des défenseurs. Mais par contre, probablement que si Sam n'aurait pas été échangé, probablement que c'est le retour d'un junior qui l'attendait. Hein. Ah, c'est sûr. Puis, écoute, il y avait tout le temps du pensage. Mais Sam il restait tout le temps un pied à terre en disant tout le temps, je m'attends en défense. Mm. Et suite à la chance, je te dirais qu'il était vraiment content, puis il m'a tout fait pour rester là. Puis, il est le deuxième, troisième meilleur défenseur présentant, ben, je veux dire meilleur. Tant de jeu. Il donne tout ce qu'il y a, là, mais ouais, c'est ça. Fait que, en fait, tant de jeu. Puis il est bien aimé tout ça là-bas par l'entraîneur, puis Joe Sakic qui l'aime bien aussi. Fait que Sam, on l'a tout le temps dit, c'est vraiment un grand travailleur, puis il veut pas descendre, puis non, il est bien heureux là-bas. OK. Denver, c'est une beau petite belle ville aussi, hein. C'est incroyable, là. Ah, on a visité un petit peu, là, puis c'est propre. Autant que Nashville, je te dirais que le monde sont flayés, autant que Colorado, c'est propre, tranquille. Okay. On a fait le saut, écoute, on a voyagé un petit peu, là, puis on dirait qu'il n'y a pas de trafic, le monde, c'est serein, c'est bien tranquille, puis tout ça, puis un petit bonjour de temps en temps. C'est vraiment une belle ville de Denver. OK. Là, Samuel, as-tu eu l'occasion de parler un petit peu avec les gens de l'Avalanche? As-tu eu, pendant ton séjour, où vous avez assisté au match et vous êtes reparti? Je sais que vous avez pris des photos, vous avez visité, tu viens de me dire. Mais as-tu eu l'occasion quand même de parler avec les étudiants de l'Avalanche? Non, pas du tout. Tout ce qu'on a fait, là, suite au match, on est allé au salon des dépôts en bas. Fait qu'il y avait une couple d'époux et de joueurs. Fait que les joueurs, okay, de la vingtaine, ils vont là aussi pour voir nos époux. On s'est assis là, on était bien accueillis. Fait qu'on a jasé un bout avec la femme à Jonathan Bernier. C'est vraiment, je pense que c'est une Québécoise, ça. Fait qu'on a jasé presque une heure avec. C'est vraiment des bons mondes, tout ça, vois-tu. Fait qu'on était bien accueillis. Puis Sam, puis Claudia, sa petite blonde. Mais ils sont amis avec eux autres déjà, là, avec Jonathan Bernier, puis sa blonde. Est-ce que c'est Jonathan Bernier qui va prendre, parce que ça arrive souvent qu'il y a un joueur, un vétéran qui prend sous son aile une recrue, exemple, comme Samuel. Est-ce qu'on peut dire que c'est Jonathan Bernier qui va prendre son aile Samuel Girard? Oui, on peut dire dans certains sens que oui. Puis il y a aussi Nathan McKinnon, okay, qui considère Sam comme son petit frère. Alors, vois-tu, fait que Sam, il s'en venait à bien appuyer avec ça, avec les joueurs. Ah, OK. Ben, là, est-ce que vous allez retourner dans le temps des fêtes? J'imagine que vous allez retourner dans le temps des fêtes à Denver? Non, ben Sam, c'est assez serré son horaire dans le temps des fêtes. Il ne pourra pas descendre. Nous autres, on ne montre pas non plus. Fait que nous autres, Sam, il devrait descendre au lac là, entre le 9, je crois, puis le 16 janvier. Il va avoir une couple de jours pour pouvoir descendre. Ah, OK. Oh. Fait que, ouais, il devrait descendre un 2-3 jours dans ce temps-là. OK. Peut-être une séance avec les jeunes du hockey mineur de Robert Vall. C'est quelque chose de même qui pourrait être intéressant. Donc, oui. Tony, au plaisir de se reparler, puis on va aller, on va s'en reparler dès que possible. Ça fait plaisir, Dani. Tony Girard, le père de Samuel Girard, qui a assisté son premier match à Denver.